Chapitre 5e, un nouveau crime. Le lendemain, Berton fut réveillé par une des servantes de l'hôtel qui lui dit qu'un monsieur demandait à lui parler sans délai. Il s'habilla à la hâte et descendit. Il trouva dans le salon un homme qu'il reconnut pour le garçon de bureau qu'il avait introduit chez le procureur de la République. « On vous demande au parquet, » lui dit-il. « Monsieur le procureur et monsieur le juge d'instruction vous attendent. »« Que se passe-t-il donc ?» demanda l'inspecteur effaré. « Ils vous le diront eux-mêmes. » Berton suivit le garçon de bureau qui le conduisit au tribunal. « Eh bien, » s'écria le procureur de la République, « les assassins ne chôment pas. C'est un défi. Que voulez-vous dire ?»« Que la nuit dernière, ils ont encore commis un nouvel attentat. Est-ce possible et où donc ?»« À Forges-les-Bains. Ils ont tué un vieillard de 63 ans nommé Auguste Duval. Faut-il m'y rendre ?»« Sur le champ. » « Peut-être trouverez-vous là quelqu'un d'indice plus sérieux que ceux que nous avons pu recueillir jusqu'à présent ?»« Nous nous y rendons du reste. Vous pouvez venir avec nous. »« Je suis à vos ordres, » dit l'inspecteur. Un petit omnibus attendait à la porte du tribunal. Le procureur de la République, le juge d'instruction et son greffier, un médecin, y prirent place. Berton monta sur le siège à côté du cocher. Forges-les-Bains est un joli village thermal situé à 23 km de Rambouillet et où se trouve un hôpital, succursale des hôpitaux d'enfants de Paris et les orphelinats Bouté, Vitalis et Albert Hartmann. On y était tout terrifié par le crime qui venait d'être découvert. C'était vers 5h, toujours sur le pas de la porte, que le père Duval, comme on l'appelait, avait été assommé d'un coup de barre de fer sur le crâne. À ce moment, une voisine, la femme d'Annet, avait entendu un horrible gémissement. « Tiens, » s'était-elle dit, « le père Duval vient de se donner un fameux coup. » Puis, comme un bruit de voix se faisait entendre dans la maison, elle avait pensé que M. Duval avait chez lui ses enfants et qu'il n'avait nul besoin de son secours. Elle rentra donc chez elle. 2 heures après, un autre voisin se présentait chez Duval et, trouvant la porte entrouverte, pénétrait dans sa maison. Il le trouva mort dans sa chambre où les assassins l'avaient transporté. Tout avait été pillé dans la maison. Tous les meubles étaient sens dessus dessous. On avait décroché les cadres et détaché les gravures qui étaient au mur afin de voir si dessous il n'y avait pas quelques cachettes. La rumeur publique accusait le fils de Duval, dont l'habitation était voisine de celle de la victime. On y pratiqua immédiatement une perquisition. Elle parut fructueuse. On découvrit une hachette et un sabot taché de sang. Duval fils fut arrêté et amené à la prison de Rambouillet. Les magistrats triomphaient. On tenait enfin l'auteur de ces attentats qui avaient jeté l'épouvante dans le pays. Berton, lui, était moins satisfait. Le signalement de Duval, fils, ressemblait bien, sous certains rapports, à celui donné par la servante du curé. Mais ce n'était nullement celui de l'un ou de l'autre des hommes vus par Marthe. Ceux-là, il restait encore à les trouver. « Ne vous inquiétez pas, » lui dit le procureur de la République, à qui il faisait part de son ennui. « Nous les aurons bientôt et sans beaucoup de mal. » Ce jeune Duval a l'air assez facile à manier. Quelques jours de prison et il nous fera des aveux. Par lui, nous connaîtrons ses complices. On ne saurait, dit un proverbe, être plus royaliste que le roi. Du moment où les magistrats se contentaient du résultat obtenu, il n'avait qu'à les imiter. Il écrivit au chef de la sûreté un long rapport dans lequel, il faut l'avouer, il attribuait à sa perspicacité la majeure partie du succès. Puis il s'en rendit chez De Coninck. Hé hé! S'écria le tailleur en l'apercevant. « Vous voilà, monsieur le journaliste. Eh bien, vous devez être content. On a arrêté l'assassin. Toute la ville ne parle que de cela. Vous allez, je pense, faire un bel article. »« Certes, » répondit l'inspecteur. « Vous me le ferez lire, hein. Vous pouvez y compter. C'est demain matin qu'il paraîtra. Je pense. Et à présent que le bandit est pincé, est-ce que vous allez rester à Rambouillet ? Je ne sais pas. Peut-être quelques jours encore. » Eh bien, dites donc, « venez ce soir manger la soupe avec nous, sans façon. Marthe sera là. Vous nous raconterez ça, car vous devez en savoir beaucoup, puisque vous êtes allé là-bas avec la justice. »« En effet, » dit le policier en souriant, « je connais l'affaire dans ses plus petits détails. »« Eh bien, à ce soir, c'est entendu, hein ?»« Entendu. » Berton serra la main du tailleur, dit bonjour à Madame de Coninck et au fils qui lui répondit sans lever le nez de dessus son ouvrage, et il se retira. Il était un peu embarrassé. En se donnant la qualité de journaliste, il n'avait pas songé qu'il vendrait la justifier. Et si par hasard le grand journal ne parlait pas de l'arrestation de Duval fils, il n'y avait qu'une chose à faire partir pour Paris et porter le compte-rendu au rédacteur en chef. Berton était un homme de prompte décision. Il n'hésita pas. Il courut à la gare, prit son billet et partit. Il avait eu une excellente inspiration. Au grand journal, on l'accueillit avec empressement, on nota tous les détails de son récit et on lui promit de l'allonger d'autant mieux que, ne demandant aucune rémunération, il fournissait de la bonne copie gratuite. Assuré que l'article paraîtrait en bonne place, il revint à Rambouillet. À 7 heures, il se présentait chez de Coninck. Marthe était arrivée, on se mit à table. Le tailleur avait fait des frais. Le dîner était excellent.